fatal. Et l'on m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'oriental. On critique ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant mon cœur s'attache, mon cœur joue cache-cache. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'oriental, car moi je suis sentimental. Car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'oriental. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnol. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit le jour. On m'a surnommé l'oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'oriental, le brun au regard fatal. On m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas mal. On m'a surnommé l'oriental.